d'un petit bois que l'on disait hanté vivait une vieille dame. De sa maison se levait chaque nuit une étrange mélopée. Certains disaient que ce chant envoûtait tous ceux qui s'aventuraient au-delà du grand chêne où commençait le domaine de la vieille dame. Les enfants du village disaient pourtant qu'il voyait son image. Mais dans leur rêverie d'enfant, c'était une fée qui venait nous enchanter. Les enchanter. Certains disaient que ce chant en vaudait tous ceux qui s'aventuraient au-delà du grand chêne où commençait domaine de la vieille dame. Au milieu d'un petit bois que l'on disait hanté, vivait une vieille dame. Mais un jour, sans que l'on sache pourquoi ni comment, sa maison personne ne saura jamais quel était le secret de la vieille dame. Personne ne saura jamais quel était le secret de la vieille dame. Le secret. Secret de la vieille dame, secret.